Skyrock Papi. Hey. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Capo des capis. Ce soir. Ladies and gentlemen. Planète Rap Alonso. C'est en direct comme chaque soir entre 20h et 21h. Soyez les bienvenus. Les images sur le skyrock.fm, sur l'application Skyrock et puis le son sur Skyrock dans toute la France. Avec monsieur Alonso qui est là pour sa deuxième soirée dans Planète Rap. Comment ça va, Alonso? Bonsoir, ça va très très bien, il y a du monde. Il y a Spike Miller qui est là. Comme d'hab. Ouais. Un invité qu'on va présenter dans un instant. Un invité, voilà, qu'on va présenter. Qui est dans présent. Un instant, qui est présent. C'est le retour de Biggie. Eh oui, on est là, opérationnel. Bon, bah, il s'est déjà présenté, donc on peut dire un mot, vas-y. Ouais, il s'appelle Graia, il vient de Marseille, quartier La Castellane, 16e. Il va se présenter seul. Voilà, moi c'est Graia, je viens de Marseille. La Castellane, précisément de la Castellane, voilà, 13-0-16, on est là. Bon, tout va bien, Graia. C'est un quartier Azizou, la Castellane. Eh oui, bien sûr. Attends, un quartier absolument culte. Mythique. Hein. Mythique. Ouais, bien sûr. Bon, Graia, en pleine forme? Eh oui, en pleine forme. Bon, on va parler un petit peu de ton parcours dans un instant aussi, même si on a eu un petit aperçu à l'instant, mais on va peut-être débuter avec un titre. Ouais, finis-les. Voilà, de toute façon, cette mixtape, c'est pour tous les finir, donc autant commencer comme ça. Eh bien, allons-y tout de suite, d'entrée de jeu, finis-les, c'est extrait du projet qui sort vendredi dans les bacs. Yes. Qui sont forts, petit mesquine. J'suis là depuis Luciano. Get out shit. Parlons français. Tu n'as pas percé. J'te jure sur mon fils. Ils ont pas un euro. Je n'ai jamais fait semblant. Dégainer des délinquants. J'ai tout niqué avec la psychiatre. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim, finis-les. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit finis-les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finis-les. Même mes enfants innocents me disent papa finis-les. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans le rap, star for love. Je reste que par amour pour les abattre. C'est la bagarre, faut que ce soit rentable, mais qui rivalise? Qui? J'sais pas, tu bizarre, j'vais te baiser ta race, ramenez-moi les calibres. Si ça part en couille dans le rap game, enterre-moi à Fumboni. Protéger ma mère si elle souffre, j'ai pas fini. On dit que je rappe pour les minots. 82 ans, j'ai pas mûri. Toujours crapuleux sur le piano. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim, finis-les. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit finis-les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finis-les. Et mes enfants innocents me disent papa, finis-les. Chaque jour, je fais le je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour? Voilà, je sais pas. J'ai fait des sous dans le rap, star for love. Je reste que par amour pour les abattre. Les rappeurs bavent, je ramène à boire. Je vous pisse à l'arrêt. Je suis un bâtard. Tu vois qui sont ces pelos. Dis-leur que je suis Alonso. Je vous fais hagar. Je suis le capi des capos. Je suis le capi des capos. Je suis le capi des capos. Je suis le capi des capos. Capo des capis. C'est Skyrock avec à l'instant un extrait du projet Capo Décapé qui sort vendredi à Lonzo. En précommande de partout, ça se passe bien, merci du soutien, précommandé, on va vous régaler Inch'Allah. Et puis les sorties désormais c'est le vendredi, hein. Toi aussi tu inaugures les sorties le vendredi. Ouais, c'est vrai, mais c'est bien, j'aime bien, il y a le week-end, tu vois, les gens ils peuvent se promener, aller acheter le disque, c'est bien. Ils peuvent s'ambiancer avec ton album en effet. Exactement, parce qu'il y a le week-end direct. Tout est prévu dessus, hein. Tout est prévu. On va découvrir les morceaux tout le long de la semaine, mais il y a de quoi faire. Des morceaux de voiture, des morceaux de club, des morceaux de heps, de tout. Et il y a donc un invité ce soir, puisque c'est évidemment une mixtape, donc tu as 12 morceaux où tu es présent avec parfois certains featuring. Ouais. Et puis tu laisses le micro à d'autres artistes, essaie de donner un coup de projecteur aussi dans cette mixtape. Et il se donne le coup de projecteur tout seul, comme j'ai dit, parce que si le morceau il est pas bon, c'est pas bon pour eux. Et je m'assure que tous les morceaux soient de qualité. En même temps, si tu les as mis, c'est que je pense que... C'est que déjà, j'aime ce qu'ils font. Voilà, à la base, parce que j'ai pas attendu de les inviter pour écouter et me renseigner et voir ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est Graia. J'ai écouté des morceaux à lui, Galop. J'ai un petit de 11 ans. Il a la page sur tout. Et il aime beaucoup, d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Il s'appelle Kylian. Et il aime beaucoup Graia. Il aime beaucoup Graia. Souvent, il me dit, c'est quand que tu fais un morceau avec Graia, Graia. Donc, je pense qu'il va être content. Qu'il va être content, voilà, ce soir, s'il nous écoute. Donc, franchement, ça fait plaisir. Franchement. Ouais. Donc, Graia qui vient aussi de Marseille. Hein. Castellane, on le disait il y a quelques minutes. C'est ça. Toi, Graia, c'est quoi ton parcours jusqu'ici? Pour l'instant... J'ai pas vraiment un long parcours. Il enchaîne sur YouTube. Voilà, doucement, on lance, il a vite fait les clips et voilà. Il a beaucoup de morceaux, ouais. Et t'as quand même des choses qui vont bientôt sortir, on pourra... Non, pour l'instant, il n'y a pas de mixtape, pas de projet, rien du tout. Ah oui, ça fait vraiment... Que des morceaux, tous les mois, que des clips. Il arrache le sol, voilà. Et le projet, ça sera pour plus tard. Toi, tu penses justement à cette génération Alonzo qui a débuté, où c'était pas à peu près, il n'y avait pas Internet. Hein, ouais, à l'époque, vous avez débuté. Moi, je suis né à l'époque de. Putain. Il n'y avait pas tout cet accessoire qui fait qu'à un moment, tu peux balancer. J'ai envie de dire, les compteurs sont remis à zéro, que tu sois à Marseille, que tu sois à Brest, que tu sois à Nancy, à Lille, n'importe où. Tu ferais pareil, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Tu fais un petit peu pareil aussi. Balancer beaucoup d'images, des freestyles. Je ferais pareil. Tu sais, Internet, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des petits merdeux qui de temps en temps balancent des petits messages, des commentaires, mais ça fait partie du game. Et les avantages, c'est quoi? C'est que tu peux venir de nulle part. C'est la qualité vient de partout maintenant. C'est aujourd'hui, on parle de Graia. Via Internet, les gens ils peuvent visualiser ses clips. Il a de la prestance. Et ça va venir jusqu'au nord. Et moi, je pense que si j'avais son âge, si je serais venu à cette période-là du rap, j'aurais fait pareil que lui. C'est-à-dire enchaîner un maximum de morceaux. Tu sais, c'est le buzz qui donne la date de sortie d'un projet à toi. Et pas l'inverse. Les gens, ça, ils le comprennent pas. Ils veulent envoyer, le 25 octobre, j'envoie ma mixtape. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas de demande, ouais. C'est... Voilà. Donc, de temps en temps, vaut mieux prendre du temps. Bien sûr. Toi, Graia, t'es pas pressé, tu veux... Non, je suis pas vraiment pressé, franchement. On a le temps. Hein. Et d'ailleurs, à propos de ta mixtape, je crois que pour une fois, elle sort en avance. Non, ouais, c'était pas prévu plus tard d'ailleurs, la mixtape. C'est bizarre ça, j'ai jamais entendu ça, même moi non plus, je me dis d'habitude c'est toujours retardé. Mais il faut quand même le signaler, c'est vrai qu'on l'a pas dit hier. C'est vrai, ça devait sortir le 9 octobre. Ouais, c'était octobre. Le 9 octobre, je l'ai avancé au 18 septembre, donc vendredi qui arrive. Je t'avoue qu'elle était terminée, ça fait longtemps. Hein. Juillet, est-ce pas, et qu'on avait bouclé. Fin juillet, on avait tout mixé, masterisé. Prêt à sortir. On a envoyé le morceau Finilé, on a vu qu'il a bien pris, on s'est dit pourquoi on va attendre. C'est que de la musique. Tu sais, je voulais même l'envoyer au mois d'août, moi. Mais au mois d'août, tu sais, quand tu es dans un label, une major, ça part en vacances, il n'y a plus personne dans les bureaux. Donc, c'est pas vrai chez Def Jam. Mais je crois que dans tous les labels du monde, c'est comme ça. Donc, Fred, du coup. Toi aussi, t'étais en vacances. Voilà. Tu pouvais pas nous accueillir. Tu pouvais pas nous accueillir pour la sortie. Mais pour vous, je serais revenu. Putain, tu imagines. Ou on l'aurait fait en direct de mon lieu de vacances. Voilà. Ça était pas mal aussi. On s'est dit, on va le sortir début septembre, que tout le monde déguste et qu'on passe à quelque chose d'autre. Bon, en même temps, je pense que c'est un peu l'avenir. Les États-Unis, regarde par exemple, Dre lui a sorti au mois d'août la bande-son du film NWA, justement, Compton. Même Gims, il est sorti au mois d'août. Gims est sorti fin août, mais Gims était annoncé, mais c'est vrai que d'un seul coup, Dre, ils ont balancé. Ouais. parce qu'aux États-Unis après le marché est différent. Aux États-Unis maintenant ça se fait beaucoup par tout ce qui est internet, les achats se font beaucoup là-dessus. Ouais. Donc on va certainement y venir aussi du jour au lendemain. Lonzo, tu pourras balancer quand ce sera fini, hop, un morceau, deux morceaux, un album, une mixtape. C'est bien ça. En attendant, il y a quand même vendredi la sortie, loupez pas, et toujours en précommande dès maintenant. Toujours en précommande dès maintenant de partout. Soutenez, merci. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Est-ce qu'on met un morceau justement de Graia maintenant ou est-ce qu'on on attend un petit peu les gens? Moi j'aime bien laisser un peu les gens. D'ailleurs, exceptionnellement, on ne mettra pas le titre qui est sur la mixtape hein, pour que les gens puissent découvrir. J'avoue que franchement, je préfère que les gens se reçoivent la frappe directement quand ils iront acheter le projet. Mais on va mettre un morceau à lui que j'aime énormément, qui s'appelle Que des jaloux. Que des jaloux, voilà, ça arrive. C'est, allez-y jaloux. Voir s'il vous plaît le clip. C'est il est une gestuelle. C'est le retour de Biggie, les gars. C'est voilà, c'est. Il est réincarné. Voilà, c'est. En Graia. J'ai que ça à vous dire. Mais on va passer un morceau, ouais, Que des jaloux, et on va garder son morceau en exclu pour la mixtape. Un morceau qu'on peut dire le nom, hein, qui s'appelle La Mama. Qui s'appelle La Mama. Ouais. Produit par l'adjoint Monsieur Mourad, voilà, de la Sabine, qui est avec nous ça. Ce soir. Ça, Mourad, en forme. On vient donner la force un peu à Graia et à Lons. Merci beaucoup. On vient soutenir, on débarque de Marseille par surprise là. Toi, voilà, tu bosses beaucoup avec Graia ou... Ouais, je bosse avec tous les Marseillais. Avec tous les Marseillais. Ouais, tous les Marseillais pratiquement un petit peu, tu vois. Si vous êtes en Marseille, vous demandez Mourad, vous le trouvez facilement. Voilà. Il arrive. Demandez l'adjoint. L'adjoint. Tout le monde le connaît. Il en a vu passer. Hein. En même temps, un gros big up à Bill Caprot qui sont là avec nous. Hein. C'est ça. Ça, le frérot. C'est ça. Messieurs, on met quel titre alors par contre de la mixtape? On va mettre le morceau BG. BG. Voilà. Comme c'est beau gosse. Comme beau gosse. Belle gosse. Comme belle gosse. C'est un morceau en feat avec Dr. Berries du Watibé. Encore quelqu'un de très talentueux aussi, Dr. Très Berries. Talentueux, très foufou. Je t'avoue qu'on a enregistré le morceau, il m'a fait serrer, il m'a rendu fou, il est désorganisé, ce bordel crée une magie, ma foi, c'est n'importe quoi. Je lui fais un gros big up à Dr. Berries. Voilà, le morceau s'appelle BG. Allez, on le balance maintenant sur Skyrock. Capot des capis, ça arrive vendredi. Yeah. Exclu, mamé, inédit. Sur la route, cheveux au vent, elle conduit avec des gants. Au feu rouge, j'arrive doucement, j'ai le regard insistant. Elle me nargue, elle accélère, je suis sur mon cheval de fer. Je vois son sourire du rétro, je passe les rapports en roue arrière. Elle se gare, je lève le casque, ouais je m'appelle, je te roule une pelle. Elle rigole, je marque un point, tu m'étonnes, what you name. Dis-moi où vas-tu comme ça, comment, je te plais ou pas? Je suis pas plus chou que ton petit ami, Franco, on y va ou pas? Petit resto? Non. Zerma, tu surveilles ta ligne, je vois que t'es un avion de chasse. Je serai ton pilote de ligne, restons simple, franchement poupée, je te plais ou pas, ça n'engage à rien, évitons les nananas. Y'a une place, allez garde-toi bien, je crois pas au signe du destin. Je sais pas mais toi t'as l'air bien, je peux te tenir par la main. Un petit tour sur la corde, on se marre comme deux potes. Je vois que tu glisses, c'est le top là, je te plais ou pas. Si tu veux fuir, moi je te suis. C'est ma caisse qui te parle la route. Belle gueule, j'ai ton 06. Tu seras mon plat pour mon dîner. Ma Marlene Monroe prend dans mon ciné. La balle de mon canoncillé. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. Tu seras mon plafond dans mon dîner. Ma Marlene Monroe prend dans mon ciné. La balle de mon canoncillé. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. De haut en bas, de gauche à droite, en forme de couple parfait. Tes copines doutent de moi parce que tous les jours je suis en Dolce. Voiture d'oc, du sirop. Exclu, featuring, Dr. Berries, what you bet. J'ai le style, je les attire, tu fais genre, t'es pas jalouse. SMS sur mon tel, en direct, t'as les yeux qui louchent. Je vois que tu me kiffes de fou, je sais que tu me kiffes de fou. Ça te dit un week-end à Milan ou Istanbul. Drap rouge pour une nuit d'enfer. Tu sais le faire, je sais le faire. Ça va le faire, 5 étoiles, tu te dévoiles. Tu m'as fait oublier mon ex. Coup de hanche, j'ai le manche qui vient de trouver le latex. Tu penses déjà à te marier, faire des kiss, mais jamais une meuf a vu la madre. Chez nous, tu connais, un ciné, des pop-up. Grosse dédicace à tous les Wachi soldats. Exclu, capot de capi, mamé. Si tu veux fuir, moi je te suis. C'est ma caisse qui te barre la route. Belle galeuse, j'ai ton 06. Mon plafond, mon dîner. Ma Marlene, Monroe prendre mon ciné. La balle de mon canon. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. Tu seras mon plafond dans mon dîner. Ma Marlene Monroe prendre mon ciné. La balle de mon canon. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. Exclu capot décapé en précommande de partout, mamé. Je vais te mettre bien tonight. Ouais. Je vais te mettre bien. On se dédicace à tous ceux qui soutiennent de près ou de loin. Aux Hebs dans leur chambre de partout, mamé. C'est le capot décapé. On représente à vie et à jamais. Alonso, Capo de Capi, ça sort vendredi. Vous retrouverez donc ce morceau avec Dr. Berries. Ouais, Spike, il aime énormément ce morceau. C'est il un est... de mes morceaux préférés. Grosse dédicace à Abou de Beng qui était là pour faire le morceau. Abou de Beng. La fine équipe. Ouais. La fine équipe qu'on salue. Exactement. Dr. Berries. La famille. Aïe. Sur Skyrock, il y a aussi un numéro de téléphone pour joindre directement Alonso. Je vois qu'il n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Je dis la vérité, je ne sais pas si on va répondre. Tu veux prendre tout de suite? Attends, je vais refiler le numéro pour les gens qui veulent te joindre. C'est trop tard. Bon, allô. Vas-y. Allez, vas-y. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tu es sur Skyrock en direct, c'est Alonso, tu vas bien? Ça va. De quoi il s'est... Très très bien, merci. C'est voilà, tu es en live. Écoute, c'est un truc de fou, votre histoire de téléphone là. C'est un truc de malade, t'imagines, c'est mon numéro. Regarde, Fred, il va le redonner pour tout le monde. Je vais le redonner pour tout le monde, c'est le numéro pour Alonso cette semaine. Pour le joindre directement, pendant l'émission, après, quand vous voulez, c'est 06 71 74 84 15. C'est le numéro de la ligne directe de Planet Rap pour joindre Alonso cette semaine. Bah, écoute, Cassie, moi, je voulais juste te dire qu'on est tous fiers de ce que tu es devenu. On te félicite pour ton disque d'or bien mérité. Merci beaucoup. Que tous les gens qui te soutiennent depuis des années, sont vraiment fiers de toi. Voilà, et Maman Hip Hop au téléphone. Merci beaucoup, Maman Hip Hop. Ça fait chaud au cœur. Voilà, grosse dédicace, c'est des gens qui me suivent, ça fait longtemps. Et vous connaissez? C'est une personne qui nous suit, ça fait longtemps, qui connaît les psychiatres de la rime. Maman Hip Hop, elle nous soutient, t'imagines? Mais ça dit quelque chose, Maman Hip Hop. Moi, ça te dit quelque chose. Mais oui, je connais dans aussi. Dans les réseaux sociaux, elle est très active depuis. Oui, je vois qui c'est Maman Hip Hop, en depuis effet. Depuis l'époque, depuis le temps de MySpace, tout ça. Fred, tu pourrais retweeter quand tu fais de la pub pour Chris Cameron, quand même, c'est pas sympa. Je vais me faire engueuler. Chris Cameron, en plus, attention, Chris Cameron, très talentueux. Gros big up à lui, il a gagné le concours, il fait partie des gagnants de... C'est vrai, du concours de Sopra, ouais. Grosse dédicace à Messia aussi, qui fait énormément de travail pour Messia, gros Chris. Bisous, gros bisous aux copines Messia et Tata Salida aussi, on est là, on est ensemble et on est tous avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, Maman Hip Hop, ça ne se reproduira plus, je suis désolé, je n'ai pas dû voir le message, mais promis. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu les as finis maintenant chez eux, mon gars. On va faire ça prof. Porte-toi bien. Et ben voilà. Bonsoir. Maman Hip Hop qui a appelé. Ciao. Maman Hip Hop qui a appelé, qui a réussi directement à tomber sur toi. 0671 74 84 15. Ça fait plaisir parce que c'est des gens qui nous suivent. Ça fait très longtemps. Ils sont encore là à soutenir. Comme quoi, tu vois, on arrive à traverser le temps, que ce soit moi de mon côté ou Sopra de son côté, chacun dans son style. Et ça fait chaud au cœur. Et je remercie encore une fois mon public. Hein. De près, de loin, c'est énorme. Voilà. Justement, est-ce qu'à un moment, avec cette direction artistique que tu as pris sur. Allô? Ah bah merde, je n'ai même pas le temps de poser une question. Allô, bonjour. Allô? Oui. Ouais, c'est Alonso. Bonjour, c'est Alonso. Ça va, mon pote? Tu es sur Skyrock? Ouais, on est là, tranquille, toi? Ça va, cool, on est là. Ouais, je vois que t'es là, j'écoute plein d'étrapes depuis ce soir. C'est énorme, hein, c'est mon numéro de téléphone, tu peux me joindre comme ça. À partir du moment où tu appelles pas à 4h du matin, ça va. Non, normal. Cool. Ouais, j'écoute un plein d'étrapes là ce soir, et puis ouais, vraiment, c'est une grosse bombe ce que tu fais là. Merci beaucoup du soutien. J'espère ne pas vous décevoir. Voilà, vendredi la mixtape elle sort. Il y a du très costaud à l'intérieur et voilà. Merci. Eh ben merci. Ah d'accord. Porte-toi bien, poteau. On va essayer de répondre un peu à tout le monde. Donc je te dis porte-toi bien et merci de ton soutien. Ah, t'inquiète pas. Bon, moi, je te dis ciao alors. Merci, un poteau. Merci à toi. Regarde, non, je vais juste finir sur cette question à Londres, deux secondes. Ouais, est-ce que justement, depuis que tu es parti sur cette direction aussi artistique, est-ce que tu as eu un petit peu peur justement par rapport au public des psychiatres, le public que vous avez eu en nombre, de savoir comment ils allaient te suivre, comment ils allaient ressentir ce côté où il y a beaucoup d'ego trip maintenant dans les morceaux? Bien sûr, ça revient souvent, mais tu sais, dans Psychiatre de la Rime, j'avais un poste très précis. Les gens qui se disent ouais, il a changé, moi je pense qu'ils se mentent un peu à eux-mêmes. Parce que quand je fais un album, il y a toujours des morceaux à thème. Dans RDC, les gens qui ont pu l'acheter, hier on en parlait, il a été disque d'or, tout ça. Il y a toujours 3-4 morceaux hyper réfléchis, hyper conscients. Et les gens connaissent très bien mon rôle dans Psychiatre de la Rime. Ils savent très bien que j'ai toujours été le côté terre-terre, toujours le côté provocateur. Quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Tu vois, donc c'est un peu se mentir à soi-même de dire ouais, il a changé. Et moi, je pense que c'est une minorité de personnes. Parce que, oui, tu vois, de ce que tu ressens du public, bien de sûr, ce que les gens disent. C'est une minorité de personnes, parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire un album cohérent qui est sorti donc fin janvier, et c'est mon album qui a le plus marché. Mmh. Donc, comment tu expliques ça, s'il te plaît? Ça veut dire qu'il y a un public qui a suivi et qui était encore plus nombreux à te rejoindre aussi. Voilà, donc merci à tout le monde, et c'est que de la musique. Voilà. Alonso avec nous. Tiens, regarde, tout à l'heure, on parlait d'Abou de Beng et Par Magie. De Beng. Devine qui apparaît dans le studio. Bengance. La Bengance. En personne. De Beng. Qui est là? Qui est là? On parlait de toi, je sais pas si t'as entendu. J'étais en voiture. Ah bah voilà. Dans les bouchons un peu, j'ai entendu ça. Comment ça va, Fred? Bah écoute, en pleine forme, bien, et toi? Franchement, je suis content. Monsieur De Beng. Hier, j'étais sur les réseaux, j'ai perdu mon téléphone. Donc, ah merde, c'est pour ça que je te vois plus sur ça. Bien sûr. Ah voilà. Et j'ai vu que Alonso était certifié disque d'or avec Règle. C'est vrai. Compte. Non, sincèrement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci, frérot. Bravo à toi, Refray. Bravo Merci. À toute l'équipe. Merci. Zino, Spike, tous ceux qui sont derrière toi. Ça fait franchement plaisir. Ça fait plaisir pour le rap français. Tiens, tu veux un portable? Il y en a un qui sonne devant Alonso. Ouais, ça besoin d'un portable. J'étais là quand on a fait le morceau qu'on vient d'écouter avec Dr. Beriz. Il a été beaucoup influent sur ce titre-là. Donc, franchement, un très très très gros titre. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. T'as vu? Là, je l'ai réécouté. Franchement, lourd. Tout à l'heure, j'étais au studio avec Beriz. Aujourd'hui, il ne pouvait pas. Okay. Parce qu'il est un peu malade, tu vois. Il a des problèmes à sa jambe. Il m'a dit qu'il essaiera de passer dans la semaine. Il n'y a pas de souci, on est là. Et bon, on le salue et merci d'être là aussi à bout de Beng. Tranquillement, on est venu, on va revenir, on va te présenter Graia dans un instant. Que Artiste marseillais. J'ai vu ça sur le net. Très chaud. On écoutera son morceau dans quelques minutes. C'est un morceau qu'on peut retrouver un peu déjà sur le net, un peu partout celui-ci. Que des jaloux. Et bah bougez pas, ça arrive après ça. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Planète Rap. Alonso. C'est Alonso et le projet qui sort vendredi, Capo Décapé. En précommande de partout. On peut y aller en précommande dès maintenant. Voilà. Avec ce soir, Graia qui est avec nous. On est là. En provenance de la Castellane. Un morceau donc qui s'appelle. Que des jaloux. Qui est déjà sorti, qui est sur YouTube. Allez regarder ce clip. Ça a été tourné où déjà? Parce que j'ai aimé. À la Seine-sur-Mer, à la Cité Berthe. Voilà, grosse dédicace à la Cité Berthe. Pas très loin de Marseille. Grosse dédicace à Nabassa qui est là avec nous. Aïe. Voilà. C'est ça. Donner l'assaut fort pour le clip. C'est ça. Et bon, on l'écoute ce morceau. Ouais. Direct. Attention. Et juste avant, tout à l'heure, on fera tourner la roulette. Mais coup d'envoi des inscriptions pour faire tourner la roulette. 41-759, prénom, numéro de téléphone pour peut-être partir avec la PS4. Allez, c'est parti, Graia, maintenant. Grosse dédicace à Sofiane. Bon anniversaire, frérot. Grosse dédicace à mon frère, Banana, qui est en tôle. J'en ai marre de tout. Dans ma soie, c'est la merde, moi on tourne en rond. Je vois des jeunes qui s'entretuent. J'ai le 3-5-7 dans la boîte à gants. Ils veulent faire la guerre. On va sortir le fer, ils vont demander la paix. Ils font les gangsters. Ils ont appris à se hisser avant d'apprendre à rapper. Passe le micro, je vais t'apprendre à rapper. La rue fait des torts, on est mort, on le sait. Je fais des sons de fou, y'a trop de jaloux. Tous les rappeurs veulent me voir arrêter. Mon rap se fait tourner la tête comme le bédo. Je vends des gros morceaux, j'ai des tailles au kilo. Le rap c'est la merde, on est prêt dans la merde. Je vais tout niquer pour vivre au bord de la mer. 13-07, c'est ma cité. 2016, je vais tout niquer. Nous raconte pas ta vie, on s'en bat les couilles. 1400, donc on est la débrouille. J'ai des choses à dire, j'y vais en face. Je vais sucer ta meuf, et toi tu l'embrasses. Rien, je les mange, les chaînes de la classe. Appelle-moi le lion de la Teranga. Passe au quartier au lieu de parler de moi. Car j'ai pas ça à faire. J'ai pas le temps de blague avec tous ces rageux qui laissent des commentaires. Portez vos couilles, beaucoup de bouches mais aucun volontaire. Je les mets à terre. Tous ceux qui veulent me déclarer la guerre. Que des jaloux, que des haineux, que des gars qui parlent en traite. Si t'es éviter, éviter. Avec la police, on a pas ça. Nique ta mère, on connaît pas les vacances. Tu sais pas danser, on va t'apprendre des pas de danse. Bélé, Bilou, Boudet, lui, bâtiment B, balafré tous les matins. Majeur en l'air, fort, tu les jaloux. Calibre à la main, on fait danser les ripoux. On fait des sous-sales, on a les mains sales. On vit dans la merde, donc on fait du rap sale. Ne cherche pas la merde, tu la gardes au caleçon. Demande à la joie, on est des mauvais garçons. A chaque morceau, je suis à 50%. Et commande pas la leçon, vas-y, montre le sang. Je suis sur la lune, je vois tous les jaloux. Je leur sors mon arme, ils se battent à genoux. Je leur donne une pelle, ils creusent leur trou. On va les enterrer sans leur faire de trou. Passe au quartier au lieu de parler de moi car j'ai pas ça. Grosse dédicace à tout mon quartier, la Castellane. Avec tous ces rageux qui laissent des Bilou, Béné, enfermé à l'huile, beaucoup de bâtiment C. Si, si, à Casson, nos beaux maîtres. Au frérot Garcimor, à Jamel, à Baïsou, Lille Caprod, à Yakini, à Walid qu'avec. On est là. Aïe, aïe, aïe, aïe. Que des jaloux, oh. Que des haineux. Vrai. Biggie, Biggie. Vrai. Ah, ah, ah, ah. Que des jaloux, que des haineux. Que des gars qui parlent en traite. Si t'es jaloux, si t'es haineux. Parle pas beaucoup, vas-y, fais mieux. Que des jaloux, que des haineux. Que des gars qui parlent en traite. Si t'es jaloux, si t'es haineux. Parle pas beaucoup, vas-y, fais mieux. Et les quartiers nord en direct de Skyrock, mamé. Graia, A-L-O-N-Z-O. Capo de Capi, volume 1, en précommande de partout. Plandao, Castellane, Bill Caprod. Biller, mamé. Que des jaloux à l'instant avec Graia, c'est ce qu'on écoutait. Allez-y voir le clip, allez-y voir le clip. Graia, gros charisme. Qui est présent sur le projet d'Alonze. On a gardé au chaud. Et le morceau, oui, vous le découvrirez pas tout de suite. C'est la maman, c'est la maman, c'est le morceau de Graia sur la mixtape. Ça, c'est un morceau à lui qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Très frais, allez-y regarder le clip. Voilà. Graia, tu voulais ajouter quelque chose? On peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux, te retrouver un petit peu? Ouais, sur Facebook. Mon Facebook officiel, c'est Graia. G-R-A-Y-A. Hein. Voilà. Et mon Facebook perso, c'est Graia Graia. G-R-A-Y-A. G-R-R-A-Y-A. Ok, c'est simple. Bref. Graia à l'instant et le hashtag Alonzo sur Skyrock pour réagir au morceau qu'on vous balance. On mettra un autre titre dans quelques minutes. Il y a beaucoup de messages. On me demande mon Snapchat. Ah, voilà. Ah. Mon Snapchat, c'est Mauvais Mélange. Voilà, c'est le nom de mon Snapchat. Il s'appelle Mauvais Mélange. Pourquoi? Voilà. Je sais pas, Alonso officiel ou un truc. Ben voilà, je sais pas. C'est Mauvais Mélange. Va savoir pourquoi. Allez-y voir ce qui se passe et vous allez peut-être comprendre. C'était un soir compliqué. Non, même non, pas. Non, non, même pas. Non, voilà, ben, c'est comme c'était ça. C'était un matin. C'était un matin. Et ben on ira voir, on ira suivre tout ça. En tout cas, Alonso avec nous. Vous entendez la voix de Spike Miller qui est là. Toujours. Qui a aussi beaucoup bossé. Graia est là avec nous. On vous retrouvera en live dans un instant. Juste avant, on va accueillir Shams de Nantes. Salut Shams. Salut, salut. Ça vient Shams? Ouais, tranquille, tranquille. Bonsoir ouais. Shams. Je te présente Alonzo. Ouais, bonsoir. Ça va cool? Ouais, ça va, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, nickel. Cette semaine, vous repartez à l'occasion de la sortie du film. C'est demain que sort le film événement NWA, où vous allez pouvoir voir les débuts de Dr. Dre, d'Ice Cube. Le film est incroyablement réaliste. J'ai pas encore vu d'ailleurs. Et vraiment dément le film. Voilà, ouais, c'est une page d'histoire en plus, non seulement de la musique, mais une page d'histoire des États-Unis. C'est aussi un film d'action, il se passe plein de choses. Et à cette occasion, à l'occasion de la sortie du film NWA, il y a des casques Beats by Dre à choper. Il y en a un pour toi, j'ai envie de te dire, Shams, tout de suite. Bon, direct. Merci bien, merci. Mais juste avant, tu vas quand même nous délivrer un petit freestyle, tu vas pas repartir avec le casque. Bien sûr. Ok. Vas-y, kick ça, mon frère. C'est parti, mon pote. Écoute. Ah! Ok. Wow. Ok. De 44 en personne. Ok. Hey. Ramène rapproche, on touffe les portes avec une clé de bras. La voix de toute une vie, ton titou haute qu'il pense tout bas. Écocentrique, arrogant, remballe tes donneurs que le sang. En face à face avec moi-même, frérot, je me donne des frissons. Laisse les pousser de la fonte, pareil qu'ils envoient du lourd. Ils rôdent comme des vautours pendant qu'on chante avec les loups. En bas du bloc, on est planté, on cultive la mauvaise graine. Les masques, on va faire tomber, ils vont finir à découvert. On m'a dit Charles, fais les pouces entre eux et moi, y'a pas de rapport de trois mesures. Son pas taille ou son pas cessé pour rappeur. Allez, leur bref, j'ai pris de l'avance. Seul mon passé me rattrape. J'suis dans la polyvalence, m'a été percé par la trappe. Allo Panam, ici c'est Nantes. Ils vont se manger des crochets. J'ai sonné des petits bébés, ils vont finir par accrocher. Plus en plus voir à chaque fois, j'ai l'ADN de Saiyan. La petite vient en mangeant, tombe, c'est Kaminan Zaya. Ok, je répète, La petite vient pas manger un pomme, c'est Kaminanzaya. Kaminanzaya. Nampahamu. Comment rien est bon. Ah, oui, on a reconnu le langage, on a reconnu la communauté. Et j'ai l'impression voilà. qu'il n'est pas tout seul, Cham, c'est un cas du monde. Et merci beaucoup. Grosse dédicace à tous les Comoriens de France, des Comores. Je suis parti tourner un clip il n'y a pas longtemps là-bas, tu vas parler. Et clip réussi, ils étaient très contents. Donc merci, merci à toi pour toi, tu as tout niqué. Non, c'est normal. Instru des psychiatres, hein, quand même. Instru des psychiatres, et voilà. Tu viens d'où, tu m'as dit, poto? De Nantes. Côté de Nantes. Ça fait plaisir. Grosse dédicace à tous les Nantais. Donc c'est bon, à Londres, je peux lui envoyer le casque Beats by Dre. C'est envoie-lui sans trois aucun... casques. Trois casques. Là, c'est du pistonnage. Là, déjà. Là, c'est. On verra pour le reste. Les Comores, voilà quoi. Shams, on peut te retrouver sur le net. Tu veux balancer quelques. Vas-y, on t'écoute. Bah, j'ai ma page Facebook, Shams Black Rabza. Donc Shams, après Black Rabza collé, B-L-A-C-K, R-A-B-Z-A. Et ma page officielle, Shams officielle. Et puis voilà, ma chaîne YouTube aussi, je parle Shams officiel, il y a des clips, des petits freestyles disponibles. Et puis voilà. Et bon, on ira suivre, merci à toi en tout cas. Ouais, c'est possible de faire une petite dédicace. Vas-y, on t'écoute. Dédicace à toute la ville de Nantes, les quartiers nord. Et à tous les qui sont avec moi, à vous, Ganja, Chinois. Tout ça, Fama, c'est ça. Et Abdoulou, c'est Abdou, les très bons fermés au Heb. Ceux qui sont fermés au Heb, Lincoln. Pablo, H, ce que j'ai oublié, Fatil Bachelor, je t'ai pas oublié, Laïd Paro aussi, et puis merci à vous aussi. Non, Alonso, big up, bonne idée. Merci, merci à toi. Merci, moi aussi, merci, soutien Shams. À vous les frères, bon courage. Ouais, ça a plus, Shams, à l'instant du côté de Nantes, où il y a aussi des quartiers nord à Nantes. Il y a des quartiers nord dans toute la France. Dans toute la France. À un moment donné, il y a le nord et le sud. Quartier nord avec la Castellane qui est représentée par Graia ce soir. Quartier nord avec toi aussi, évidemment. Exactement. À Londres. Voilà. Et avant de passer au live, on met un petit morceau. C'est comme tu veux, soit on passe au live direct, ensuite non, on finit avec un morceau, tu veux. Faisons un petit morceau. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Il y en a assez, on peut mettre Il y en a assez par exemple. Il y en a assez. Non, t'as pas envie. J'ai envie d'en faire un remix avec Graia, t'as vu. Ok. Je sais pas, là je suis chaud, je sais pas pourquoi, j'ai envie de freestyler avec lui. Ça, ce sera dans un instant. Si tu veux, on peut mettre le morceau, le premier extrait, le morceau avec Jules, pourquoi pas. Ouais, je voulais qu'on finisse avec. Tu voulais finir avec. Mais je voulais en gratter un autre. Il est dur, hein, Spike Miller. Là, je me retourne. Là, je me retourne de suite. Il veut des exclus, c'est comment? Il a été gentil ce soir, Fred, le public. Qu'est-ce qu'il dit? Vous envoyez des messages, on envoie des exclus. Une exclue, pas une exclue. Comme tu veux, sinon, on met un autre titre, un ancien. Putain, on fait les radins. Mais attends, on est mardi. On est mardi, logiquement, ça mais va. Mais sinon, on peut aller sur RDC, si tu veux. On va sur RDC. Moi, je vois la belle vie, moi. Ah, il est en voilà, bébé. En même temps, Graia, je pense que tu as départagé tout le monde, parce que c'est une très bonne idée, celui-ci. Moi, j'écoute Graia, la belle vie. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec lui. Ouais, celui-ci, c'est une très bonne idée, celui-ci. Je suis d'accord avec lui, totalement. Il y a eu la tournée La Belle Visin en tour. Ouais, voilà, là, il y a Capo Décapitour. On a 10 dates. Il y a des dates là qui arrivent aussi pour ce week-end déjà, je crois. Alors, le 19, c'est samedi, ouais. À Lyon, voilà, Lyonnais 6-9. Si Dieu veut, je serai là le 19 si tout se passe bien. Le 20 si tout se passe bien, je serai aussi du côté du 9-3 au Garden. Grosse dédicace à mes frérots du Garden. Donc, et ensuite, il y a énormément de dates. Il n'y a pas Zino à côté de moi, mais il y en a plein qui s'enchaînent. Je t'avoue que je ne me rappelle plus. On les filera, on les filera. Voilà, dans la semaine. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, la belle vie. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville zin. La belle ville zin. La belle ville zin. On a bu 12 packs. Roue avant sur le nez. Cagoule noire sur le nez. Mzingaland, tu connais? Tchentchawid soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zin se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve à 200, on sourit au flash. Permis vient des comment. Comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On achète pas les zins avec de sous-table. On encule pas les zéros, cul ou on stab. du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénéfice du shit, cherche à devenir official. Petit bismillah pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le msango de la mama. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville zin. La belle ville zin. La belle ville zin. On a bu 12 packs. C'est la hesse, je pague en espèces. Ray de cesse, here we go, bastos dans la fartasse. Dans la bouche un chouche, sur la tête un chèche. A-L-O-N-Z, j'ai ta reprise comme un comptage. Rabat, rabat, Tupac, Tupac. Malaga, Marseille, go fast, go fast. Tu payes pas, chaudasse. Tu dis que c'est ta hlèle, mais c'est une chaudasse. C'est un choix de vie, le zin. Un choix de vie, le zin. Un choix de vie, le zin. Un choix de vie, le zin. Je me lève à 15h d'après. Soirée passée, crème sous tombé. Encore ballonné, j'affronte les problèmes, m'inganté. J'fais que salomé, j'baroute en paquet, me suis chargé. Pas tant comme nous, les amers, la BLM, wow. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. Un mixtape capot décapé en précommande de partout, mamé. Ça sort vendredi. Dis-le. La belle vie, le zin. La belle vie, le zin. On a bu 12 packs. Bas les pattes, j'ai le gilet pare-balles. Dans le bloc, goût le Polyakov, sa bibi non-stop. Un coupe-gorge, cache non la poule aux yeux d'orchi des lingots. Choufanigo, chipto bingo, hasta luego dans les Vosges. Bar-back, bar-back, casque shark, pollen jack, day de jack, soirée man jack. Avec Yves et Jacques, polo black, jean black, todo black, chrome black, roof black, moto black, all black, tout est black. RS4, pas de plaque. Ouais. Magadji, c'est une Bagdad. Ouais. Kalash ou le clic-clac. Ouais. Tiens-moi du bisap. Ça fait. La belle ville zin. La belle ville quoi. La belle ville zin. La belle ville quoi. La belle ville zin. On a bu 12 packs. Spécial dédicace à Lebou. Lebou, Sidi, Oshelini et Tufada. Hey. Dédicace à l'équipe de la belle ville Zintour, Smogo, Sid, Zaka 2054, vrai Spike. Très bon choix, très bon choix en tout cas. Merci Graillard, c'est vrai qu'il ambiance toujours ce morceau. C'est vrai, il fait toujours du bien celui-ci. Alonso avec nous entre 20 et 21, Capot des Capis, ça sort vendredi. Vous trouverez d'ailleurs dessus un morceau de Graillard, un morceau qu'on vous a pas dévoilé ce soir. Qui s'appelle La Mama. La Mama. J'ai préféré voilà, qu'on passe un morceau à lui qui est déjà sur YouTube, qui s'appelle Que des Jaloux. Allez-y, cliquez, regardez ce clip, il est immense. Est-ce que vous êtes prêts maintenant tous les deux pour le live? Je sais pas, Graillard. Graillard. Allez, vas-y. T'es chaud? Ouais. Spike est chaud aussi pour le son? Chaud. Eh ben c'est parti. Coup d'envoi, le live de Planète Rap Alonso, Graillard maintenant. Dédicace à Kefen qui est avec nous ce soir. Kefen? Si, si. À mon frangin, Yaka 47. On est là. Remix. Y'en a assez. Sur le terrain, gros engins, que de mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, okay. Des problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. J'ai de la frappe, j'ai de la sape, vide ton sac, moi je m'en tape. Tu veux m'abattre, Google Maps, je vois que tu m'attaques. J'garde mon axe, j'ai la mentale, pas de pare-balles. J'ai des bites sales, encore parental. T'es pas content, ben nique ta maman. J'ai pas ton temps, y'a de l'argent manquant. T'es pas le gérant, t'es un JN, t'es un client, crédit pour du pollen. Tu sais pas rapper, ne me demande pas un feed. Voilà, je vais te traumatiser devant ta chienne. Show Cheka, avec Iznar, y'a les motards. C'est gros bâtard, tu me pétard. J'fais de la barre dans une heure, j'ai rancard. Avec un gros boulard, j'frappe mieux que toi, tout y cointé. De A à Z comme un YZ. Le game je le mets en E. M-A-R-S-E-I-2-L-E. C'est le capot de Capi. 1, 2, 3, soleil. Le premier qui bouge son frère, on le décapite. Tu fais bronzette, t'as la jet set. On te raquette, AK-47. On compte ta recette, sur la banquette. Tu fais la fête alors que t'as des dettes. Ta meuf une épave, pas tiens cave. Que tu poucaves, tiens gardave. On est en discoiret, se mêle raid. Et on s'attaille au bled, on te met en cadavre. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Y'en a assez. Sur le terrain, gros engins, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Sur le terrain, gros engins, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes. terrain, y'en a assez. Comme ça, Porsche Cayenne, grosse palette, Belvédère, on est en buvette. On rappe la rue, il rappe la merde, on a tout pris, il leur reste les miettes. Ça vend le shit et ça ravitaille, capuché, oui ça compte la maille. Y'a des guetteurs mobiles de part, les civils sont cramés de partout. J'suis pas mal de temps, j'suis comme Diego, négro, le temps c'est de l'argent. Ils ont pété le charbonneur, Robert, on va niquer l'argent. Le procureur veut ma tête à la barre, il veut me voir dans la merde comme les frères au mitin. J'ai trop de soucis dans ma tête, c'est la guerre de ma vie et mes proches, mettez-vous à l'écart. Frappe dans la tête à la Emi niqué, j'ai niqué ton buzz, tu vas polémiquer. C'est chaud dans ma cité, ça rafale tous les... J'ai dans le bendo, moi je fais dans le four. Si tu niques un client, ça part en guérilla, chacun son... Ne fais pas le you-voix, le chien qui aboie, ne mord pas, ne parle pas derrière moi. Si tu veux pas mourir avant moi, les mondes appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Nous on s'est levé avant les perquises, mon quartier est pisté par un hélico. Car on fait des sous en période de crise, on devient parano, on a plus rien à perdre. Rechercher, on s'est mis dans la merde, quitte à prendre 10 ans, 20 ans, ferme. On a tous l'air à la guerre. Y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul. Sur le terrain, gros engins, que de mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, une plein, y'en a assez. Y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul, y'en a un seul. Que de mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. T'attacher à moi, hein? Une mauvaise idée, oui. C'est la fin du mois, oui. Tu peux plus retirer. Quoi de? Les rappeurs me tiennent la mano. Ouh. J'ai fait traverser, je veux une fille de joie. Ouh. Ma femme a s'égleuré, 15 ans sur le terre-terre. On est dur en affaire. Je sais les satisfaire, mais je sais pas aimer. 15 ans sur le terre-terre, on est dur en affaire. Je sais les satisfaire, mais je sais pas aimer. Je veux un maximum de bordel pour Graya, s'il vous plaît. Capoc des Capis, c'est dans les bacs. Ah oui. C'est le nouveau visage de Marseille, papé. Vrai. On est all. À l'instant, le live. Aïe. Alonso avec Grace. C'est la première fois que vous faites un morceau ensemble. Alors, Et voilà, ben voilà, on l'a fait en direct. La combinaison en direct. Voilà, Killy, je sais pas si tu m'écoutes. Hein? Voilà, grosse dédicace à tous ceux qui aiment Graya. Il est présent dans la mixtape. Exactement. Ah oui, il assure. Graya qui était donc présent sur ce remix à l'instant. C'est ça, Doyana, c'est. Et les messages, pareil, ça bombarde avec le hashtag Alonso sur Skyrock. Avant de se quitter, bah tiens, on va mettre le normal pour le coup. On va mettre le normal. J'ai fait une dédicace à mon cousin qui est là dans ce morceau d'ailleurs, Iznar, voilà, qu'on connaît sous le nom de Zola, qui est présent ce soir. Force, mon cousin, force. Félicitations pour ce disque d'or. Merci beaucoup, mon cousin. Je le sais que tu mérites. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Histoire de famille. Histoire de famille. Toujours. Le sens est important. Allez, on écoute normal et dans un instant, on fera tourner la roulette aussi avec peut-être une PS4 qui va tomber, le jeu PES 2016. Et en effet, comme le montre Fab, il y a Paris qui va pas tarder à jouer en Champions League d'ici quelques minutes. Ma foi. Face à Malmo. Ma foi. Petit pronostic, peut-être à Londres, je t'ai pas demandé, non? Ma foi. Ok. Je comprends. Allez, on balance le morceau, c'est parti. C'est normal. C'est normal, c'est de bonne guerre. C'est normal. Ça, c'est de bonne guerre. C'est voilà. Normal. J'ai zoné, le bon Dieu m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Ça vend du shit en l'air. Oh, dédicace au Sancho Jul. Pampé. Mes potes m'ont dit, t'es en boule d'idée. Au pire, j'mets un masque sous le casque KGB. C'est tout la LON en direct à Pointa. Pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens. Pour ceux anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délitudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des beaux métallines. Soulève. Normal, je cache la plaque. Normal, paire de hockey. Normal, impact sans cagoule. Normal, bizarre, je bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là, elle est bonne prise là. Devant tu du visage, j'ai pété le péage. C'est tout l'Alonso dans le virage. R tu trop bizarre, je bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là, elle est bonne prise là. Devant tu du visage, j'ai pété le péage. C'est tout l'Alonso dans le virage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. Ça dit quand ils volent, volent, volent. Trop poussant ta misère, zère, zère. C'est du petit zère, zère, zère. Trop poteau bizarre, zère, zère. Où c'est moi qui zère, zère. Ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui, ça fait des grosses peines. Les bons mettent à lui. Grosse dédicace à tous les prisons de France, mamé. Plus j'fume, plus j'fume. On vous oublie pas, wallah. Que ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui, ça fait des grosses peines. Normal, comme tu t'abole, normal. J'passe pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. J'cache la plaque, normal. Paire de hockey, normal. Attaque sans cagoule, normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. La team June. Normal. Normal à l'instant, un morceau que vous trouverez sur Capot Décapi, qui était le premier extrait d'ailleurs balancé. Et l'ouverture, c'est la voiture ouvreuse. Le morceau qui s'appelle Normal avec Jules, qu'on salue aussi une fois de plus du côté exactement, de Marseille à l'instant. Voilà, merci à la team Jules aussi qui sont actifs, merci à Jules, à son équipe, ça fait plaisir. Avant de se quitter, on va faire un petit dernier tour de table, remercier donc Graia qui était là avec nous. Ouais. Oui, merci à vous. Graia, retour à Marseille quand là, demain Non, vendredi. Ah, c'est bon. Ah, il a du taf sur Paris, il va tout rafaler un peu sur la capitale, tranquille. Au calme. Et puis on rappelle aussi donc toi les réseaux sociaux pour te suivre, une mixtape gratos qui arrive prochainement. Non, pas gratos. Non, pardon, c'est que confondu. Des morceaux lui. C'est que non, des non, morceaux, que des clips, que des morceaux. Voilà. Que des morceaux. En rafale. Et bah très bien, donc allez suivre Graia, vous aurez des titres inédits et des morceaux comme on a pu entendre là à l'instant sur Skyrock, le morceau qu'on a sélectionné ce soir dans l'émission. Exactement, merci beaucoup du soutien, je vois énormément de messages, merci beaucoup du soutien, je fais un gros bisou à Milan, à Mikhaïl, voilà, à mon mental. Kenzo, grosse dédicace à tout le monde. Merci beaucoup de votre soutien au quotidien. Précommandez Capot Décapi, c'est en précommande de partout. Merci à tout le monde. Graia, merci d'être venu. Voilà, Mourad l'adjoint, il est là. Merci beaucoup. Il y a Debeng qui est venu nous faire un petit coucou. Il est toujours là, Debeng, il est derrière. Il est toujours là. Il y avait Popeye aussi que j'ai vu. Popeye qui est là, voilà, le meilleur ingé. Son mondial. Exactement. Bill Caprod aussi pour le taf qu'ils font avec Graia. Franchement, voilà, c'est un petit label qui est en train de monter. Grosse force à vous, la Castellane, Plandao. Merci. Un grand remerciement à Alonso aussi. Allez, avant de ceux qui t'ont fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Salut Sofiane d'ici les Moulineaux, ça va bien? Ça va bien, toi? En pleine forme? Tranquille. Eh ben écoute, bienvenue, bienvenue dans le Planète Rap d'Alonso. Bonsoir, tu vas bien? Salam, ça va? Salam, très très bien, salam mon frère. Tu es prêt à faire tourner la roulette, Sofiane, on y va? Ah, je suis prêt. Allez, il y a des PES 2016 à choper, le jeu qui sort demain. Hein. Ouais, t'inquiète, on est équipé déjà. Il semblerait qu'il y ait un but déjà pour le PSG, vu l'ambiance. Le téléphone ne s'arrête pas de sonner, le téléphone ne s'arrête pas de sonner. Alonso, une petite réaction déjà ou pas? J'attends de voir ce qu'il a gagné. Il a gagné quoi? Il a gagné PES 2016, le jeu, et les 4 places de ciné aussi, pour aller voir Transporteur Héritage. C'est pour toi, Sofiane, à ici les Moulineaux. Lourd. On te souhaite une bonne soirée. Gros big up à LNZ. Franchement, lourd le freestyle avec Graia. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Alonso, donc réaction 1-0 déjà, c'est ça pour Paris. En plus, j'ai l'impression que c'est qui a marqué. Di Maria a marqué. Je suis dégoûté. C'est un joueur, qu'est-ce que je l'aimais. Qu'est-ce que tu l'as aimé avant qu'il fasse la faute, avant qu'il fasse l'erreur. Qu'est-ce que je l'aimais, Di Maria. Putain de merde. Oh, Margherita, au pizza. Oh, comment elle s'appelle la brune, faites quelque chose, bordel. Pour Di Maria, ça va être compliqué, je te cache pas. J'en ai marre. Pour Di Maria, ça va être un petit peu dur. Mais heureusement que notre équipe, quand même, elle représente. Grosse dédicace à Benjamin Mendy. Voilà. Ça s'est bien passé ce week-end. Dédicace, oui, ils sont là, c'est des vaillants, frère. Il y a eu un petit démarrage. À la vie à la mort, de toute façon. Quoi qu'il arrive, à la vie à la mort. Petit démarrage. Graia, un petit mot aussi, non? Je voyais t'agiter sur ton siège. Tu veux aussi témoigner, peut-être, pour Di Maria, pour le PSG? Attention, il veut pas chier, Graia. Te laisse pas faire. On a le sang bleu et blanc, non? Voilà. Bon, merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci à tout le monde. Cette soirée foot qui va se prolonger chez Difool et toute l'équipe. Est-ce que tout le monde est arrivé? Oui, Samy est en train de regarder le match du PSG, donc il est là. Samy, bien en avance. Samy, non, gros, t'inquiète. Samy, change de chaîne. Ah, mais gros, j'ai mis le basket, l'équipe de France de basket. Ah oui, il y a l'équipe de France de basket. On passe comme par hasard. Non, je m'en bats les couilles du PSG. Merci, Samy. France, Lettonie, basketball. Voilà. Sinon, s'il change de chaîne, explose la télé. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a deux télés. Eh ben explose les deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc PSG 1-0, but de Di Maria, on a bien noté. Et les Bleus du basket qui jouent dans un instant sur Skyrock. On suivra le match en direct pour la qualification. Mais pour sinon, les quarts de finale. Alonso, oui. Il joue quand Marseille en Ligue des Champions? Ah, elle est pétée, ta blague. Je voulais faire une grosse dédicace à mon cousin Adams et à Nice. Voilà, c'est plus important que ta question de merde. C'est une question de merde, ça. Voilà. Adams, Anichou, le plan d'Ao. Voilà. Peut-être que tu as envie de réécouter le générique de la Ligue des Champions, Alonso, non? Nous, on connaît ça. On connaît, hein. Ça va ressortir encore 93, machin, ok. Ah ouais, mais c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Bon, on est très sportifs ce soir, vous avez vu. Ouais, voilà, c'est comme ça. C'est bon, grosse soirée dans la radio libre. Du foot, du basket, vous tous en direct, des pompes et à choper. Et la précommande. Et oui, bien sûr. Et le capot d'Eikapi. Voilà, merci. Doria, Alonso. Merci. Merci à toi, Alonso. Allez, gracias. Et on te retrouve très vite. Tu passes nous faire un petit coucou un de ces jours. Peut-être ce soir, si tu veux regarder le match du PSG. Non, demain, je préfère. Je crois que l'humeur pour ce soir. J'ai des choses à faire. Demain, à mon avis. Il y a des invités encore qui arrivent. On va foutre le bordel chez vous. Ça va. Très bien, bienvenue donc dans la Ligue des Champions. Bienvenue dans l'Euro 2015. Bienvenue dans quoi? Bienvenue dans la Radio Libre et bienvenue sur Skyrock. Alonso, à demain 20h pour le Planète Rap. Allez, ciao. Allez, puis pour te faire du bien, tiens, un petit sapé comme jamais. Là. J'aime beaucoup. Et c'est le son de Maître Gims avec Niska d'ailleurs sur ce morceau là. Il est énorme, le morceau. Ouais, Niska, Maître Gims, c'est ce qu'on écoute tout de suite pour remonter le moral d'Alonso. Et puis le match à suivre. Les matchs à suivre ce soir en direct sur Skyrock Radio Libre 01 53 40 30 20. Vous nous appelez et on vous retrouve en direct tout de suite sur Sky. Ciao Fredo. Ciao. Planet Rap. Tu l'as découvert sur Skyrock aux côtés des psychiatres de la rime.